بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في السؤال 47. 47ème question. سئل رحمه الله: واجهتني أو بتو واجهتني في حياتي عدة مشاكل جعلتني أكره الحياة، فكنت كلما أتجر أتوجه إلى الله بأن يأخذ عمري في أقرب وقت، وهذه هي أمنيتي حتى الآن، لأنني لم أرى حلا لمشاكلي سوى الموت، وهو وحده الذي يخلصني من هذا العذاب، فهل هذا حرام علي؟ Donc il dit, il est interrogé, apparemment ce serait une femme qui l'a interrogé, qu'elle a fait face à beaucoup de problèmes dans sa vie, à tel point qu'elle s'est mise à détester la vie. Et elle dit, à chaque fois que j'empathie, dans le sens que je subis, que j'en ai mal, je me tourne vers Allah afin qu'il me prenne, c'est-à-dire qu'il prenne ma vie, le plus rapidement possible. Et tel est mon désir, jusqu'à maintenant. Car je ne vois aucune solution à mes problèmes en dehors de la mort. Il n'y a que lui, Allah Azzawajal, qui peut me soulager de ce châtiment. Donc est-ce que cela est haram pour moi de demander la mort? فأجاب رحمه الله تعالى: إن تمني الإنسان الموت لضر نزل به وقوع في ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ليتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقول: اللهم أحييني ما علمت الحياة خير لي، وتوفني ما علمت الوفاة خير لي. Donc il a dit que la personne espère, désire mourir pour des problèmes qu'elle aurait subis et autres malheurs, cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit. Dans le hadith où il dit que aucun d'entre vous n'espère la mort pour un mal qu'il aurait touché. Et si jamais il doit vraiment espérer quelque chose ou dire quelque chose, alors qu'il dise: oh Allah, fais-moi vivre tant que la vie est meilleure pour moi, et fais-moi mourir si tu sais que la mort est meilleure pour moi. Voilà ce qu'il faut dire. فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ نَزَلْ بِهِ ضُرٌ أَوْ ضَائِقَةٌ أَوْ مُشْكِلَةٌ أَنْ يَتَمَنَّ الْمَوْتِ بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَصْبِرَ وَيَحْتَسِبَ الْأَجْرَ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى وَيَنْتَذِرَ الْفَرَجْ مِنْهُ لِقُولِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرَجْ مَعَ الْكَرْبِ وَأَنَّ الْمَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Donc il a dit, n'est permis à personne qui a été atteint de malheur ou de difficulté ou de souffrance ou de problème d'espérer la mort, mais il doit patienter et rechercher la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et attendre le secours, le soulagement. Et cela conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit: et sache que le secours ne vient qu'avec la patience, et que le soulagement ne vient qu'après l'affliction, et qu'après la difficulté vient la facilité. Ou plutôt, après une difficulté vient la facilité. وليعلم المصاب بأي مصيبة أن هذه المصائب كفارة لما حصل منه من الذنوب، فإنه لا يصيب المرء المؤمن هم ولا غم ولا أذى إلا كفر الله عنه به حتى الشوكة يشاكها. Donc il a dit que celui qui atteint d'un mal, qu'il sache que justement ces malheurs qui le touchent sont une expiation de ses péchés. Donc il n'y a rien qui touche le musulman, le mu'min, comme souci, comme tristesse et comme nuisance ou douleur, ne serait-ce que une aiguille ou une épine qui le piquerait, sans que Allah ne lui pardonne de ses fautes par cette cause-là. ومع الصبر والاحتساب ينال منزلة الصابرين تلك المنزلة العالية التي قال الله تعالى في أهلها وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Il faut qu'il sache justement que les choses citées précédemment, ces fautes sont expiées, ceux-là, si jamais ils patientent et qui recherchent la récompense. Quant à celui qui subit ce genre de choses, mais qui ne patiente pas, et se révolte, et s'en mécontente, et s'en irrite, lui, il ne rentre pas dans la récompense citée dans le hadith. Et donc, avec cette patience, et cette irtiseb, c'est le fait de rechercher la récompense, il atteindra le niveau des patients, des endurants. Ce haut niveau au sujet duquel Allah a dit et fait la bonne annonce aux croyants. Ceux qui, lorsqu'un malheur les touche, ils disent, certes, nous sommes à Allah et c'est vers lui que nous reviendrons. Sourate al-Baqara, la vache, verset 155 et 156. ثم قال وكن هذه المرأة لا ترى حلا لمشاكلها إلا الموت أرى أن هذا نظر أن هذا نظر خاطئ فإن الموت لا تنحل به المشاكل بل ربما تزداد به المصائب. Il a dit que cette femme-là considère le fait que cette femme-là considère que la mort soit la seule solution pour elle, cela est une chose qui est discutable et c'est une on dira plutôt, cela est une mauvaise pensée. C'est une mauvaise pensée. Elle a tort de penser cela. Car la mort ne vient pas pour régler les problèmes. Et peut-être même qu'elle rajoutera des problèmes à la personne. فَكَمْ مِنْ إِنْسَانٍ مَاتَ وَهُوَ مُصَابُ بِالْمَشَاكِلِ وَالْأَذَى وَلَكِنَّهُ كَانَ مُصْرِفًا عَلَى نَفْسِهِ لَمْ يَسْتَعْتِبْ مِنْ ذَنْبِهِ وَلَمْ يَتُوبِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَكَانَ فِي مَوْتِهِ إِسْرَاعٌ لِعُقُوبَتِهِ. Il a dit combien de personnes sont mortes dans les problèmes et dans l'affliction alors que c'est lui-même qui s'est causé cela. C'est lui-même qui a été la cause de ses problèmes par ses péchés. Et il n'en a pas fait tawbah. Donc, cette mort qu'il a atteint n'a fait que le précipiter vers le châtiment qu'il attendait. ولو أنه باقي على الحياة ووفقه الله تعالى للتوبة والاستغفار والصبر وتحمل المشاق وانتظار الفرج لكان في ذلك خير كثير له. Alors que si Amir était resté en vie et que Allah lui avait accordé le succès pour se repentir et demander pardon et lui accorder la patience et l'endurance qu'il puisse justement affronter ces choses-là, ces choses difficiles, et qu'il aurait attendu le soulagement, cela aurait été bien meilleur pour lui. فَعَلَيْكَ أَيَّتُهَا السَّائِلَ أَن تَصْبِرِي وَتَحْتَسِبِي وَتَنْتَظِرِي الْفَرَاجِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا. Donc il a dit, ô toi la questionneuse, il te revient de patienter et de rechercher la récompense et d'attendre le soulagement, la délivrance. Car Allah, dans son livre, il dit, dans le sens, certes, après la difficulté, vient de la facilité. Après la difficulté, ou plutôt après une difficulté, vient de la facilité. Et après la difficulté, vient de la facilité. Al-Sharh, versets 5 et 6. Wa an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yaqulu fima sahaha anhu واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا. Comme on l'a dit précédemment, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, et sache que le secours vient avec la patience et que le délivrement vient avec, après, on va dire, l'affliction, et qu'après, une difficulté vient de la facilité. Naam. Wa bi hadha as-su'al, par cette question, nous avons fini ce chapitre qui touche aux termes interdits dans les invocations et dans les afkar. Fa ila huna walhamdulillahi rabbil alamin.